Deutéronome chapitre 6. Ce sont donc ici les commandements, les statuts et les droits que l'Éternel, votre Dieu m'a commandé de vous enseigner, afin que vous les fassiez au pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, et ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les faire, afin que tu prospères, et que vous soyez fort multipliés au pays découlant de lait et de miel, ainsi que l'Éternel, le Dieu de tes pères, l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes forces. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront en ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu t'en entretiendras quand tu demeureras en ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Et tu les liras pour être un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes. Et il arrivera que quand l'Éternel, ton Dieu t'aura fait entrer au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob, de te donner, dans les grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, dans les maisons pleines de tout bien que tu n'as point remplies, vers les puits creusés, que tu n'as point creusés, près des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, tu mangeras, et tu seras rassasié mais prends. Garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous ne marcherez point après les autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous. Car le Dieu forêt jaloux, qui est l'Éternel ton Dieu, est au milieu de toi, de peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu ne s'enflamme contre toi, et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté en Massa. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu, et ses témoignages, et ses statuts qu'il vous a commandés. Tu feras donc ce que l'Éternel, approuve et trouve droit et bon, afin que tu prospères, et que tu entres au bon pays duquel l'Éternel a juré à tes pères, et que tu le possèdes. En chassant tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel en a parlé. Quand ton enfant t'interrogera à l'avenir, en disant, que veulent dire ces témoignages, et ces statuts, et ces droits que l'Éternel notre Dieu vous a commandés? Alors tu diras à ton enfant, nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte, et l'Éternel a fait des signes et des miracles, grands et nuisibles en Égypte, sur Pharaon, et sur toute sa maison, comme nous l'avons vu. Et il nous a fait sortir de là, pour nous faire entrer au pays duquel il avait juré à nos pères, de nous le donner, ainsi l'Éternel nous a commandé d'observer tous ses statuts, en craignant l'Éternel notre Dieu, afin que nous prospérions toujours, et que notre vie soit préservée, comme il paraît aujourd'hui. Et ceci sera notre justice, savoir quand nous aurons pris garde de faire tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, selon qu'il nous l'a commandé.